laissez vos déboires à la porte. Ici on sait noyer les amours mortes. Cœur en berne, prends verre en main à la taverne de l'art divin. Taisez vos satanées complaintes et chantez donc à la gloire de l'absinthe. Mordicus, trinquez sans peur, Bacchus est Dieu dans ma demeure. Bienvenue, quelle que soit l'heure. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Lève le coude, tiens bon la barre. Tout oublier, c'est pas la mer à boire. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Je laisse mes déboires à la porte, je viens noyer mes amours mortes. Bois bien plus que tu ne dois, c'est bon pour tout ce que tu as. Bois bien plus que tu ne dois, c'est bon pour